Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Je vous propose aujourd'hui d'écouter une conférence de Pablo Servigne. C'est un ingénieur agronome qui a écrit avec Raphaël Stevens le livre intitulé « Comment tout peut s'effondrer ? Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes ». C'est paru aux éditions du Seuil en 2015. La collapsologie, c'est en quelque sorte la science de l'effondrement des sociétés. Peut-être vous avez déjà entendu parler du livre de Jared Diamond intitulé « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie » qui est paru aux éditions Gallimard en 2006 et qui traitait de l'effondrement des civilisations anciennes. Bien ici, Pablo Servigne nous parle de la fin de la civilisation industrielle, c'est-à-dire de la nôtre, puisque voilà, il évoque tous les problèmes liés à l'épuisement des ressources, notamment l'énergie, mais aussi les métaux et bien d'autres choses. C'est une conférence du cycle Modernité en crise qui a été donnée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris en mai 2016. Et tout de suite, je laisse la parole à Pablo Servigne. Ce que je vous propose ce soir, c'est une plongée dans les ombres, dans les catastrophes, les grandes catastrophes, dans les effondrements, voire l'effondrement de notre civilisation. Avec lucidité et courage. Cette conférence aura deux couleurs qui feront écho aux deux livres qui sont parus en 2015. Le premier explorait la question de l'effondrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce mot qui résonne dans la tête de chacun de nous de manière différente? Le deuxième, qui est plus, disons, lumineux, plus positif, qui explore le concept de résilience et de comment se remettre, encaisser, se remettre et se transformer après les chocs. De quel choc parle-t-on? On parle souvent de crise, de catastrophe. Alors la crise, c'est quelque chose qui est passager, donc qui laisse entrevoir la possibilité d'un retour à la normale. C'est quelque chose qui nous fait accepter peut-être des politiques qu'on n'accepterait pas en temps normal. C'est quelque chose qui nourrit paradoxalement un horizon de continuité. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de retour à la normale possible. Les situations climatiques, écosystémiques, on va détailler tout ça, la situation du système Terre et de nos sociétés est telle que nous avons passé des points de non-retour. Il n'y a plus de retour à la normale possible. Donc le mot crise est difficile et un peu mal adapté à ce dont nous allons parler. C'est pour ça qu'on a choisi le mot effondrement. Alors on prend souvent la métaphore de la voiture. Vous entendez souvent dans les conversations, on va droit dans le mur, ça va être le grand crash. En fait, pas exactement. Ce qu'on a voulu faire avec Raphaël, c'est de préciser cette métaphore. Plutôt que de parler de mur, on va décrire deux problèmes essentiellement. J'aurais pas le temps d'en décrire plus. Dans le livre, on parle de quatre ou cinq problèmes. Prenons cette métaphore de la voiture. C'est de la société thermo-industrielle. C'est notre civilisation thermo-industrielle, parce qu'elle est basée sur l'industrie, mais surtout la consommation massive d'énergie fossile. C'est une logique industrielle. Et en fait, cette voiture, petit 1, elle accélère. Petit 2, le réservoir est vide. Et petit 3, elle est sortie de la route. Voilà les trois problèmes dont je vais parler ce soir. Et il n'y a pas de mur, en fait. Le premier problème, et c'est la cause de tout, c'est la grande accélération. Alors, vous voyez ici ce qu'on appelle le tableau de bord de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est la nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes entrés. Nous sortons de l'Holocène, une époque d'extrême stabilité qui a duré environ 10 000 ans, pendant laquelle la température moyenne du globe a oscillé autour d'une fourchette de 1 degré. Aujourd'hui, nous sommes sortis de ces conditions. Et dans ce tableau de bord, vous voyez que principalement tous les indicateurs du monde, donc les 12 cadrans sur la gauche, ça représente notre société. Vous avez la population la population mondiale, le PIB, la consommation d'eau, la consommation de papier, le nombre de restaurants McDonald's, le nombre de téléphones portables, le tourisme international, tout est parti en exponentiel. Notre société est partie sur une trajectoire exponentielle. Et sur la droite, vous avez 12 cadrans, comment réagit le système Terre ? C'est-à-dire que notre société, elle a une base physique, le climat, les écosystèmes, tous les systèmes sur lesquels repose notre civilisation. Eh bien, ces systèmes sont aussi partis sur des trajectoires, des logiques exponentielles. Alors, on voit ici, en haut, le taux de CO2, de concentration de CO2 dans l'atmosphère, la concentration de méthane, le nombre la fréquence des inondations, la perte de biodiversité, le nombre de barrages, etc., etc. Et donc, on a une réponse du système Terre à notre puissance, à notre accélération. Alors, dans cette grande accélération, en fait, elle peut être datée au début de l'ère industrielle, mais vraiment, l'accélération a donné un grand coup à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, la grande accélération, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà une illustration de cette nouvelle époque, l'Anthropocène. Donc vous voyez la courbe en bleu, ça marque à peu près l'Holocène, entre moins 10 000 ans et aujourd'hui. Une période de stabilité pendant laquelle l'humanité a pu se stabiliser, inventer l'agriculture et commencer à se sédentariser. Donc naissance des villages, des villes et des civilisations. Nous sommes aujourd'hui sortis de cette période de stabilité. L'Anthropocène, c'est l'époque, Anthropos, c'est l'humain. Donc c'est l'époque géologique, en gros, dont nous sommes les héros. Nous avons, nous les humains, en tout cas une certaine partie des humains, nous sommes devenus une force géologique majeure capable de bouleverser les grands cycles biogéochimiques de la planète. C'est ça que veut dire Anthropocène. Et en fait, la puissance de notre civilisation, elle est illustrée ici. Vous avez des villes à perte de vue, la moitié de l'humanité se trouve aujourd'hui en ville, des barrages par dizaines, des projets de barrages par centaines, des champs à perte de vue de d'érique, d'exploitation, extraction du pétrole, des mines à ciel ouvert, des paquebots échoués, et Dubaï, une ville incroyable qui émerge au milieu du désert, au milieu de rien du tout, sur aucune base biologique, sinon le pétrole. Les énergies fossiles, c'est un stock immense de soleil et qu'on extrait et qu'on brûle très vite. Mais ça a été stocké pendant 100, 150 millions d'années ou plus, et on a des stocks immenses qu'on brûle en 100 ans, 150 ans, en quelques dizaines d'années. Et on hérite, nous avons hérité d'un immense, une immense richesse énergétique qu'on est en train de brûler très rapidement. Et juste pour un ordre de grandeur, disons si vous prenez un litre d'essence, vous mettez un litre d'essence dans votre voiture, vous roulez tout droit, à un moment il n'y a plus d'essence, vous retournez la voiture et vous poussez. Et à votre avis, combien de temps allez-vous pousser pour revenir au point de départ ? C'est un exercice théorique, hein, au niveau moyen. On va pousser un mois à 8 heures par jour, hein, de travail. Donc, l'équivalent énergétique d'un litre de pétrole, d'un litre d'essence, on va dire, en joules, c'est un mois de travail humain. C'est-à-dire qu'un baril, c'est plus de 12 ans de travail humain. Quelqu'un qui travaille pendant 12 ans va produire autant de joules que la combustion d'un baril de pétrole. Aujourd'hui, on consomme 90 millions de barils par jour. 90 millions fois 12, ça fait environ 1 million d'années de travail humain par jour qu'on est en train de brûler. Voilà la puissance, voilà les fondations, la base de notre puissance thermo-industrielle. Alors, le premier problème, c'est qu'il n'y a plus d'essence. C'est que le réservoir de notre voiture, notre civilisation, est vide. Vous avez sûrement, probablement entendu parler du pic pétrolier. Le pic pétrolier, c'est le fait que dans toute industrie d'extraction, au début, quand on creuse, ça sort facilement. Et puis à un moment, la production décline et puis s'arrête. Donc ça suit une courbe en cloche. Et nous sommes aujourd'hui, pour le pétrole conventionnel, le brut conventionnel, c'est-à-dire à peu près 80% de notre consommation mondiale, c'est le pétrole liquide noir qu'on a l'habitude de s'imaginer, nous avons passé le pic en 2006-2007, selon les très optimistes de l'Agence internationale de l'énergie, qui ont toujours refusé la théorie du pic, en fait, qui n'est plus une théorie, c'est un fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un plateau oscillant et on voit réapparaître très sérieusement les pétroles non conventionnels, les pétroles de schiste, les sables bitumineux, etc. Donc ça veut dire qu'on est tout en haut de la courbe en cloche. Si on réfléchit bien, il y a encore la moitié du pétrole disponible sous terre. On a consommé la moitié. On est tout en haut de la courbe, il reste à descendre. On a encore peut-être 100 ou 150 ans de pétrole. Effectivement, on a encore beaucoup de pétrole et de gaz sous terre et de charbon. Et rien que les réserves prouvées, même pas les réserves potentielles, ou ce qu'on pourrait découvrir, ce qui est prouvé, si on brûle ça, si on brûle un tiers des réserves prouvées au rythme actuel de combustion et d'extraction, on va vers une trajectoire moyenne au climatique de plus 16 degrés, plus 30 à 40 au pôle. Ça veut dire que même notre transpiration ne pourra pas nous maintenir à 37 degrés. C'est la fin de la majorité des espèces sur Terre. Ça, c'est le premier problème qu'on a. Et là où il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on n'arrivera jamais à retirer cette deuxième moitié. Donc le déclin de entre 100 ou 150 ans n'arrivera pas. Le déclin va être brutal. Pourquoi ? Parce que l'EROI, E-R-O-E-I, c'est Energy Return on Energy Invested. C'est en français le taux de retour énergétique. C'est-à-dire que dans une entreprise d'extraction, ça coûte des ingénieurs, des bulldozers, de la technologie pour aller extraire. Ça coûte de l'énergie d'extraire de l'énergie. Et donc, au début, il y a un siècle aux États-Unis, on investissait un baril, on pouvait en extraire 100. Ça veut dire qu'il y en avait 99 de disponibles pour la société. 90 ans après, le taux de retour énergétique est de 1 sur 35. Et puis, en 2007, pour les États-Unis, de 1 sur 12. Et donc, ce déclin du taux de retour énergétique, il est plus que linéaire, il est aussi, on va dire, exponentiel. Et donc, en 2007, donc, les États-Unis, ça leur coûtait un baril d'en extraire 12 seulement, avec les technologies de pointe. Et donc, ça pose des sérieux problèmes. Donc, c'est une sorte de... Pour le coup, là, c'est un mur thermodynamique. On ne pourra pas le dépasser. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que d'autres ressources se raréfient. On va passer bientôt, dans les années qui viennent, le pic des phosphates, donc du phosphore, hein, des piliers de l'agriculture industrielle, ou d'autres métaux. Des métaux précieux, des métaux rares ou des métaux moins rares, le cuivre, le platine, l'argent, etc. Au rythme actuel d'extraction, il reste quelques années, pas des dizaines d'années, quelques années des principaux métaux qui constituent les fondements de notre civilisation aussi. Sans compter que pour extraire les métaux, il faut de l'énergie. Ce qu'on a mis en évidence aussi avec Raphaël, peu d'auteurs le font, peu de scientifiques le font, c'est qu'il y a un lien entre le système énergétique et le système financier. Vous savez très bien que le système financier aujourd'hui global est très fragile, il est très fébrile et il peut s'effondrer à nouveau. La profondeur de l'effondrement, ça c'est à discuter, mais en tout cas il peut y avoir des chocs graves et systémiques. Mais le problème, c'est que le système énergétique et le système financier sont très liés. On comprend très bien que si l'approvisionnement en énergie s'arrête, le système financier s'effondre. Ça c'est évident, parce que l'économie c'est du mouvement. Pour le mouvement, il faut de l'énergie, il faut des joules, il faut de l'énergie. C'est simple, le PIB est corrélé à la combustion en énergie, c'est tout. Ça, c'est physique. Mais le contraire, c'est que si le système financier s'effondre, ça peut détruire notre capacité à extraire de l'énergie. Et on rentre dans une spirale, dans un effet domino, disons, qui provoquera des effondrements brutaux. Voilà une illustration donc, du problème du réservoir d'essence. Donc le déclin va être plus rapide que prévu, il va nous surprendre. Et c'est la question des limites, ça veut dire qu'on peut pas, on n'a pas le choix, on ne peut pas inventer de l'énergie à partir de rien, en tout cas on ne sait pas le faire, et on est très dépendant de la fragilité du système financier. Ça c'est la question des limites, on ne peut pas les dépasser. Par contre, les frontières c'est autre chose, on a distingué limites et frontières. Les frontières c'est le problème de la sortie de route. C'est-à-dire que les systèmes complexes, donc le climat, la biodiversité, les écosystèmes, les cycles biogéochimiques de la planète, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, etc., tout ça, ce sont des systèmes complexes qui fonctionnent avec des seuils. C'est-à-dire qu'à un moment, on les met sous pression, et ces systèmes vivants, au-delà d'un certain seuil, s'effondrent. Et on observe actuellement un dépassement de ces seuils. On a franchi des seuils de non-retour. Et au niveau climatique, c'est clair, mais il y a beaucoup d'effondrements de la biodiversité, des populations d'oiseaux, des populations d'insectes, des populations des coraux, des populations de poissons, etc., des forêts, des désertifications. Il y a des écosystèmes entiers qui s'effondrent aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, ce n'est pas dans quelques années, c'est ça déjà, c'est en train d'arriver. Et puis, on a déréglé de manière irréversible le cycle de l'azote au niveau mondial et le cycle du phosphore. Donc on a dépassé des frontières déjà. On est déjà sorti de la route. pas pour tout, pour l'eau, la pollution, c'est encore limite, c'est encore, on est encore dans les frontières justement, mais pour certaines frontières, c'est déjà fait. Donc on est sorti de la route et on dévale un peu dans le brouillard une pente truffée d'obstacles en appuyant sur l'accélérateur et avec un réservoir qui va se vider très vite. Alors, en écologie, on parle donc les exponentielles en mathématiques vont jusqu'au ciel, mais dans le monde réel, il y a des limites, il y a des plafonds. Et en écologie, on parle de capacité de charge d'un milieu. C'est ce qu'on appelle K, ce qu'on note K. Par exemple, si vous avez une prairie ou un écosystème, une prairie, disons, elle peut accueillir un certain nombre d'animaux, au-delà d'un certain nombre de lapins, par exemple, la prairie se dégrade. Et donc, K, c'est le nombre de lapins maximum, par exemple, qu'on peut accueillir sur une prairie. Et donc, à un moment, il se peut, bon, il y a plein d'exemples dans la nature où le nombre de lapins se stabilise autour de la capacité de charge et on trouve un équilibre entre lapins et prairies. Il se peut aussi que le nombre de lapins dépasse la capacité de charge. On franchit une frontière. Et donc, ça dégrade la prairie, ça dégrade la capacité de charge. La prairie peut accueillir de moins en moins de lapins, du coup, il y a une chute de la population de lapins, mais on trouve quand même un équilibre, tant bien que mal. Il se peut aussi, c'est très fréquent aussi, que les lapins continuent à croître sans faire attention, je dirais, à la prairie, ce qui fait s'effondrer l'écosystème prairie et donc s'effondrer la population de lapins. Ces trois schémas un peu théoriques, je les aime bien parce qu'ils illustrent trois époques de l'écologie, on va dire, politique. Le premier, c'est les années 70. On avait l'espoir, on avait le temps de construire un développement durable, de construire une société durable en équilibre avec le système Terre. En bas, vous avez les années 90, avec la découverte grâce au concept d'empreinte écologique, on a su qu'on avait dépassé des frontières. On a su que la biodiversité s'effondrait et que, voilà, il y a plusieurs indices qui montraient qu'on avait dépassé les capacités de charge de la planète. Globalement, vous connaissez l'image, si tout le monde vivait comme un Européen, il faudrait 3, 4, 5, 6 planètes. C'est ça, on a dépassé déjà les frontières, on vit à crédit. Et en fait, le troisième schéma, ça représente l'écologie d'aujourd'hui. On est aujourd'hui sous le spectre, on va dire, de l'effondrement. On a vraiment continué à accélérer depuis 25 ans, continuer à accélérer. Accélérer. C'est pas seulement croître, c'est accélérer. Et donc à détruire, en connaissance de cause, les fondements de toute civilisation, donc de la vie sur Terre. Ça me tient à cœur de dire ça, parce que je pense qu'il y a un décalage entre ce que disent les scientifiques aujourd'hui, et ça évolue très vite, depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans. Le nombre de papiers qui traitent d'effondrement est énorme parmi les scientifiques. Et l'écologie politique n'a pas encore pris acte. Il y a un décalage qu'il faut... Voilà, il y a une mise à jour à faire. C'est une de nos préoccupations, de propositions dans les livres qu'on écrit. Et juste, pour bien fixer cette question d'effondrement dans nos têtes, dans nos imaginaires, je reprends souvent le rapport au Club de Rome, le rapport Meadows, paru en 72. C'est un rapport très connu, donc c'est un best-seller, qui est souvent mal interprété. J'ai eu la chance d'interviewer Denis Meadows, un des co-auteurs, en 2011. Du coup, j'ai dû lire tous les rapports, ça m'a bouleversé. Que dit le rapport? En fait, ils ont fait un modèle théorique, donc population, taux de natalité, taux de mortalité, avec des boucles de rétroaction positives ou négatives. Il y a l'industrie, le taux d'investissement, la production agricole, les pollutions, etc., etc. Et tout est lié. Et puis alors, ils sont allés chercher les données réelles dans le monde. On connaît la population, on connaît les taux de natalité, etc. Ils ont mis tout ça dans les premiers ordinateurs à l'époque, en 70, et c'était au MIT, le creuset de la technologie de pointe aux États-Unis. Et puis, ils ont appuyé sur Start, Enter, on va dire, et pour voir ce que ce modèle allait générer comme courbe, comment notre civilisation, modélisée par ça, allait évoluer pendant 150 ans. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Donc ici, vous avez de 1900 à 1970 les données réelles, les ressources renouvelables qui décroissent, qui commencent leur exponentielle, donc à l'envers. En jaune, en dessous, il y a la production agricole. On est en pleine révolution verte, donc il y a une croissance de la production agricole. En dessous, il y a trois courbes. Vous avez en vert et en rose les services et l'industrie, c'est-à-dire, en gros, les deux, c'est l'économie. Et au milieu, il y a une grille courbe grise, pardon, c'est la population mondiale qui commence son exponentielle. Et tout en bas, en bleu, c'est la pollution globale. Il commence aussi une exponentielle. Quand ils ont pu appuyer sur Enter, c'est la courbe en pointillé. Voilà ce qu'a dit le modèle. Donc toutes les courbes, à un moment, basculent. Dans la première moitié du XXIe siècle, entre 2000 et 2050, il y a un effondrement généralisé de la civilisation thermo-industrielle. Avec, donc, vous voyez, la courbe violette, les ressources non renouvelables. Et puis, nous, on se trouve ici, 2016. Donc, on est vraiment au pied, au bord du précipice, suivant le modèle. Hein. Ça reste un modèle, ce n'est pas du tout une prédiction de l'avenir. C'est une manière de tester une dynamique d'un système. Et ça ne prend pas en compte certains paramètres essentiels. Mais là, on est au bord, selon le modèle, d'un effondrement de l'économie, de la production agricole, et dans 10-15 ans, de l'effondrement de la population humaine, déclin de la population humaine de manière incontrôlée, c'est la courbe noire, à partir de 2030. Quand ils ont découvert ça, ils se sont dit « Oh, c'était dans les années 70 ». Bon, il y a sûrement des solutions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le modèle, on va changer les paramètres. Ok, si on double la production agricole, peut-être qu'on peut éviter. Alors, ils ont doublé le paramètre, ils ont réappuyé sur Enter, et ils ont fait plusieurs modèles avec plein de solutions potentielles. À chaque fois, il y avait un effondrement. Sauf quand ils ont aligné 6 ou 7, je ne sais plus, ou 8 solutions, mais drastiques. Hein. Contrôle des populations, doublement de la production agricole, par exemple, technologie efficiente, non polluante, système de dépollution, etc. etc. Plein de trucs. Et ils arrivaient à stabiliser toutes les courbes vers une sorte de société durable ou soutenable, voilà, qui se stabilise avec la capacité de charge de la planète. Et c'était seulement à condition qu'on fasse tout ça dès les années 80. Et le problème, c'est qu'on n'a fait rien du tout, et qu'on n'a jamais commencé, et que maintenant, même si on commençait, ce serait trop tard. Ça a été un choc pour moi, ça correspondait au moment où j'avais mon premier fils, et ouais, c'était assez dur à avaler. Ce modèle n'inclut pas le climat et les catastrophes climatiques. Il n'inclut pas une guerre mondiale, un holocauste nucléaire ou des possibilités bien pires que ça. Et il n'inclut pas non plus une transition massive, humaniste, voilà, avec des énergies renouvelables ou que sais-je. Il n'inclut pas les bifurcations imprévisibles. Ça reste un modèle. Donc pour résumer, on peut être aujourd'hui à peu près sûr que la croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un futur proche, que nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible, et il n'y a pas de retour à la normale possible, que nous allons vers un avenir instable, non linéaire, disent les scientifiques, ça veut dire qu'on ne peut plus prévoir, ça va être des bifurcations imprévisibles, comme l'histoire en est jalonnée, dont les grandes perturbations seront la norme, avec des effets dominos et des effets en cascade possibles, et nous pouvons être désormais soumis potentiellement à un effondrement systémique global. Effondrement systémique global, c'est une expression très récente chez les scientifiques. J'en ai pas parlé là, c'est le troisième problème. C'est le fait qu'on a interconnecté toute l'économie en réseau de manière homogène et avec des flux très rapides. Et les théoriciens des systèmes, des réseaux, les physiciens, etc., ils ont remarqué que quand on fait ça dans un réseau, il est très résilient, on va dire, pendant quelques temps, mais à un moment, il s'effondre brutalement. En fait, ça provoque des effondrements beaucoup plus rapides et imprévisibles, le fait d'homogénéiser un système. Donc voilà, ça, on peut être sûr de ça, c'est dur à avaler. C'est ce qu'on a découvert avec Raphaël en faisant la synthèse de beaucoup de disciplines scientifiques, en tentant de faire une synthèse, c'est ce qu'on propose dans le livre. Et pour résumer, on a été comme ça pris d'un sentiment d'impuissance, d'être, disons, dans une situation sans issue. Il n'y a pas d'issue. Et je le résume comme ceci. Vous avez d'un côté le moteur, donc le cœur de notre civilisation, la voiture, et d'autre côté le système Terre, sur lequel repose notre civilisation. Si on veut préserver le système Terre, imaginons, on arrête tout, on fait une grande transition, on arrête combustion d'énergie fossile, on arrête tout ça, le système d'aide, tout ça, on arrête là. Comme l'an 01, on arrête tout, réfléchit et c'est pas triste, on arrête. Okay, on provoque un effondrement donc de notre système économique, social, peut-être politique, financier en tout cas. Et du coup, on peut essayer de préserver un certain nombre de frontières pour maintenir des conditions de vie à peu près stables, à peu près, c'est même pas sûr. Si au contraire, on décide de continuer notre trajectoire, alors là, on va dépasser beaucoup plus de frontières que prévu, de manière irréversible, de manière beaucoup plus grave, et je pense au climat, mais aussi la biodiversité et les grands cycles biogéochimiques, etc., ce qui en retour provoquera des effondrements de notre civilisation, mais peut-être bien plus l'extinction de l'espèce humaine, c'est une possibilité tout à fait envisageable, voire de la grande partie des espèces vivantes sur Terre. C'est ça qu'on a ressenti. À un moment, on est coincé là. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas trouvé de voie entre les deux. On s'est dit, bon, il faut accepter ça. Et à un moment, il faut voir l'effondrement et plonger dedans. C'est le propos de notre livre. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec, en créant au début, on a rigolé, on dit comment on pourrait appeler ça ? Effondrementisme ? Non, c'est pas terrible. Collapsologie ? Ah ouais, c'est bien, on a rigolé comme ça. Et puis c'est resté, c'est devenu de plus en plus sérieux. Et puis du coup, c'est un peu repris comme ça. C'est l'étude, donc transdisciplinaire, le plus sérieux possible, de l'effondrement de notre civilisation. Et donc on est allé explorer ce qui s'est passé dans les civilisations anciennes. Les historiens, les archéologues ont beaucoup parlé de la civilisation Maya, de l'île de Pâques, des Romains. Mais aussi, on a les historiens qui parlent de l'effondrement du bloc soviétique. Mais alors ça n'a rien à voir ça, le bloc soviétique et les Romains. Disons que ça a rebondi. Aujourd'hui, il y a une Russie, il y a quelque chose, il y a toujours un peuple russe. Et pourtant, le bloc soviétique s'est effondré. Donc on parle d'effondrement pour des cas très différents. Et donc c'est précisément l'objectif de la collapsologie, c'est d'aller mettre des nuances là-dedans, des couleurs, de la texture, de donner des outils pour arrêter de caricaturer l'effondrement et d'essayer de bien cerner ce qui pourrait nous arriver. Une des manières, je passe très vite, d'arriver à comprendre les effondrements, c'est par exemple l'ingénieur russo-américain Dmitri Orlov qui nous donne une sorte d'échelle de Richter des effondrements. Et il dit, en fait, les effondrements ont 5 stades. Ça commence toujours par un effondrement financier qui est en gros quand il n'y a plus d'argent dans les distributeurs automatiques. C'est ce qui s'est passé en 2001 en Argentine. Et puis ça peut s'arrêter là et rebondir, soit ça peut replonger dans un effondrement économique ou commercial, quand il n'y a plus rien dans les magasins. Ça peut soit s'arrêter, soit replonger dans un effondrement politique. Là, la perte de confiance dans les grandes institutions, effondrement de l'État, retour des mafias, l'économie informelle, etc. Ça, c'est le bloc soviétique. Et puis, soit ça repart, soit ça plonge dans un effondrement social, retour des chefs de guerre, des clans, ou culturel, là, c'est tout le monde s'entretue, parce qu'on perd notre capacité d'être humain, enfin, ce qui fait de nous des êtres humains, l'empathie, la réciprocité, etc. Ça, c'est une manière, comme une autre, hein, d'analyser aussi les effondrements. On a creusé la question de la démographie, je vais pas en parler maintenant, démographie de l'effondrement, combien on sera en 2100, et probablement pas 11 milliards, comme le dit l'ONU ou la FAO ou les revues scientifiques comme Nature ou Science. La sociologie de l'effondrement, est-ce qu'on va tous s'entretuer? Ou la politique de l'effondrement, une fois qu'on sait, qu'on y croit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut mettre en place une grande politique d'effondrement pour que ça se passe le mieux possible? En fait, on a découvert beaucoup plus de questions que de réponses. On a posé les bases et on s'est retrouvés comme les deux personnages de ce cartoon. Ceux qui n'étudient pas l'histoire sont condamnés à la répéter, mais ceux qui étudient l'histoire sont condamnés à rester impuissants, à regarder les autres la répéter. Et c'est vraiment ce sentiment d'impuissance qu'on a ressenti. On a dû plonger en nous, c'est-à-dire qu'est-ce que ça évoque? C'est incommensurable la question de l'effondrement. On ne peut pas s'imaginer tous les détails. Et donc, on est obligé d'aller voir, faire appel à des images, des films qu'on a vus. Ici, vous avez Beast of the Southern Wild, un film paru en 2012, comme on sait en français, Les Bêtes du Sud Sauvage, je crois. Un très beau film sur une sorte d'ambiance post-apocalyptique de l'après-ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans, mais c'est très onirique. Ça met des images, et il y a beaucoup d'autres images. Vous avez sûrement eu des discussions à table avec les amis, avec la famille, où il y en a un qui dit « Mais non, mais on va tous s'entretuer, ça sera Mad Max. S'il n'y a plus de pétrole, c'est Mad Max. » Et on a été nourri à ça aussi. Et moi, j'adore ces films. Donc, c'est les premières images qui venaient quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et puis, à l'autre bout de la table, « Mais non, ils nous trouveront bien quelque chose. Il y a toujours de l'énergie libre, de l'énergie infinie, de nanana. » Et donc, on va aller coloniser Mars, tu verras, et puis un satellite de Jupiter. Et puis, il y aura des pilules de l'énergie infinie. Et puis, on va continuer. Ouais. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pas des discussions autour des chiffres, de la tête. On est là en train de parler d'imaginaire, des mythes qui nous fondent, des histoires qui fondent notre civilisation, qui nous fondent nous. Et les psychologues savent depuis des dizaines d'années qu'on préfère, nous les êtres humains, on adore les histoires, et on préfère renoncer aux faits que renoncer aux histoires qui nous fondent. à nos mythes. Et là, on a un grand blocage. C'est une des raisons du déni de masse aujourd'hui. Ce qu'on peut voir, toujours sur la question de l'imaginaire, qui est absolument essentielle, du storytelling, de l'histoire, c'est par exemple une représentation de notre exponentielle. Aujourd'hui, il y a ceux qui imaginent que tout va continuer comme avant, Star Wars, Star Trek. Il y a ceux qui imaginent, mais non, mais c'est foutu. C'est foutu, là, d'ici 2 semaines, c'est le crash total, on va tous mourir. Et puis il y a ceux qui se disent, non, mais on va arriver, il y a de la technologie, il y a des éoliennes super, il y a des panneaux photovoltaïques de plus en plus efficients et tout. Et on va arriver à stabiliser, tu vas voir. Et puis non, non, non, non. Ça va être les catastrophes. Avec un peu d'entraide, avec des potagers, avec bon mouvement de la transition, on va réussir à gérer cette descente énergétique. Parce que c'est comme ça que les permaculteurs appellent l'effondrement, la descente énergétique. Et on va arriver à, tout en acceptant l'effondrement, à bien le gérer et à être un peu plus nombreux que prévu. En tout cas, ça sera moins pire que Mad Max. Tout ça, ce sont des imaginaires qui s'expriment. Et on voit, et je le vois à travers le public. Et voilà une illustration de la puissance de l'imaginaire. Vous avez ici l'homme moderne, à la sortie du Moyen-Âge, les Lumières, c'est l'élévation par la puissance de l'esprit, de la raison. On a un des mythes fondateurs du libéralisme, c'est la séparation nature-culture, c'est la puissance de l'esprit, c'est le mythe du progrès, etc., l'histoire linéaire. Et donc on s'élève grâce à la science, à notre esprit, on s'élève. On domine la nature, séparation nature-culture, etc. Et aujourd'hui, on est tout en haut de cette montagne, et puis il y a des affreux écologistes qui nous disent « on va devoir décroître ». Et vous êtes fous, quoi. Vous n'avez pas compris, les écologistes, que nous, on est puissants, on sait tout faire, on sait dominer la nature, on saura toujours s'en tirer, on saura toujours monter. Et vous nous dites qu'il faut descendre. Non, non, non, non, c'est trop désagréable. C'est trop désagréable de descendre. Et donc, on a ce storytelling aujourd'hui. Et si on inversait la courbe? Et si on se disait que l'ère des énergies fossiles, le début de l'ère industrielle, de la modernité, on va dire, c'était une plongée dans une vasque gluante et sombre et puante des énergies fossiles, du pétrole, et que là, aujourd'hui, on est tout au fond de la vasque, on est englué, et si la transition, c'était cette histoire de ressortir de cette vasque puante et d'aller enfin vers l'air libre, vers le retour à l'énergie solaire, au soleil, à la nature, aux animaux, à l'entraide ou à le fait qu'on se parle à nouveau et qu'on respire à l'air libre. J'ai juste inversé la courbe et avec ça, on peut faire d'autres storytelling, d'autres histoires. Ça, c'est Rob Hopkins, donc le fondateur du mouvement de la transition. Il est interviewé dans le film Demain. C'est celui qui montre le billet de 21 pounds en rigolant. C'est un mouvement très positif. Alors moi, j'ai participé en 2010-2011 à la naissance du mouvement en Belgique. Et disons, pour résumer, le constat est clair. Le manuel de transition de Rob Hopkins, il est très clair sur le pic pétrolier, sur le climat, sur les catastrophes et les possibilités d'effondrement. Et pourtant, c'est positif. Comment font-ils? En fait, ils ont réussi à se doter d'outils psychologiques. Donc ils vont creuser la question des émotions, de la question de l'imaginaire, comme je disais. Et donc, ils s'imaginent, par exemple, comment le monde pourrait être en 2030, 2035, 2040, dans tel quartier, dans telle ville, malgré un climat déréglé, instable, des événements catastrophiques plus fréquents, l'absence de pétrole. Il y aura tout ça, pourtant, il fera bon vivre. Ah bon? Ben, comment ça se fait? Ben, on va faire ça, il y aura des vélos, puis là, on va mettre un potager au lieu d'un parking. Puis au début, c'est un peu ridicule, tout ça, on se cherche, on rigole. Et puis, ça prend de l'ampleur. Puis, on s'imagine de plus en plus et on ose. Et on se retrouve ensemble et on partage un imaginaire, on partage une histoire. Et on ancre ça dans un territoire, dans une réalité. On va voir les élus locaux, on fait participer de plus en plus de monde. Et puis après, de cet imaginaire positif, mais lucide, on va voir tout ce qu'il faut faire pour arriver là, 2034, 2033, etc., etc. Et puis ça va donner un planning de ce qu'il faut faire pendant les 20 ou 30 prochaines années, très précis. Et ils ont publié à Totnes en transition leur plan de descente énergétique qu'ils ont présenté au conseil communal pour que ça... conseil municipal, pour que ça soit une politique officielle de la ville. C'est ça, les villes en transition. Et donc, ils travaillent leur imaginaire. Ils ont compris que la puissance, l'action, se débloquait par les histoires. Et c'est aussi un mouvement qui a su bien comprendre, capter, utiliser le concept de résilience. Rob Hopkins a fait une thèse de doctorat sur le concept de résilience. Et il est assez à l'aise avec ça parce qu'il a été formateur en permaculture. Et en permaculture, justement, l'idée de la permaculture, c'est de construire des systèmes, ça peut être agricole, humain, énergétique, peu importe, qui imitent le vivant et qui favorisent la résilience. La résilience, c'est quoi? c'est la capacité d'un système d'encaisser les chocs, disons de se maintenir malgré les chocs. Et là, c'est difficile parce qu'il existe des dizaines de définitions de la résilience. C'est pas clair du tout. Il y a plein de disciplines qui l'ont utilisé, la psychologie, l'économie, l'informatique, l'écologie, etc. Et donc, ce que je vous propose, c'est pas de définir la résilience précisément, c'est d'essayer de passer en mode intuitif, d'essayer de ressentir ce que ça peut être. Et je vous propose 6 symboles du monde vivant qui décrivent un peu les propriétés pour avoir un système résilient. Ça peut être les 6, ça peut être certains d'entre eux. En tout cas, un système résilient, c'est comme une toile d'araignée. C'est robuste, mais c'est souple. Paradoxalement, ça résiste, mais pas trop. Et il y a une sorte de souplesse. Comme le caméléon, les systèmes résilients s'adaptent. Les systèmes résilients, contrairement aux chênes, qui lui résiste, il plie sans rompre, comme le roseau. Le système résilient, c'est le 4e symbole, les fourmis. Le système résilient s'auto-organise. Donc quand il y a un choc dans la fourmilière, tout de suite ça répond. Les fourmis répondent de manière décentralisée, il n'y a pas de chef, et de manière auto-organisée. Et puis les systèmes résilients peuvent aussi se métamorphoser, comme le papillon et comme la métaphore d'Edgar Morin, la métamorphose. La chenille vit dans un environnement, elle marche, elle mange des feuilles. Le papillon, c'est le même être. Et il vole et il mange du nectar. Ça n'a rien à voir, c'est le même environnement, mais c'est une autre manière d'interagir avec l'environnement. Pourtant, c'est le même être. Donc la capacité de se métamorphoser. Et le dernier symbole, c'est la canthe, c'est un poisson dit fossile, un poisson qui est toujours là et qui a des millions et des millions d'années, je ne sais plus combien, plus de 200 millions d'années. Et donc un système résilient dure. C'est le symbole de la durabilité. Voilà un petit peu de quoi cerner ce concept bizarre. Moi, j'appelle ça un concept sable mouvant, parce que plus on lit sur la résilience, moins on comprend. Et on s'est cassé les dents, à vrai dire, et on s'est mis à quatre pour écrire ce petit livre, petit traité de résilience locale. On a découvert, en fait, que la littérature scientifique a littéralement explosé ces 10 dernières années. Tout le monde utilise ce mot. Mais pourquoi ? Mais c'est simple, parce qu'il est utilisé quand il y a des chocs. Les chocs sont là, on utilise la résilience et tout. Ça sert en psychologie. Vous connaissez les travaux de Boris Cyrulnik, peut-être. Ça sert à se remettre d'un traumatisme. Lui, il parle bien de l'écriture qui lui a permis de se remettre du traumatisme des camps de concentration. C'est utilisé par le monde politique, le monde écologique. Là, ici, dans les agendas, dans les rapports de l'ONU, les rapports de la Commission européenne, c'est des titres, des mots. Ça fait partie du langage technocratique, du langage politique. Mais partout, partout, on voit ce mot. Au Forum économique mondial à Davos, la résilience, c'était le thème en 2013, je crois. Et ce qu'on propose dans le petit livre, petit traité de résilience locale, c'est 4 types de résilience, comme une sorte de boussole pour essayer de voir où on va. La première, c'est la résilience globale. Penser à l'échelle globale, par exemple, la question des villes. C'est quoi une ville résiliente ? Résiliente à quoi ? Alors quand on dit résilient, il faut toujours penser par rapport à quoi ? La fin de l'eau, la fin du pétrole, la fin de l'énergie, ou le climat, etc. La résilience, en général, ça ne veut rien dire pour une ville. Il faut toujours penser par rapport à quoi. En fait, on a découvert que ça posait plus de questions, encore une fois, que de réponses. Mais en tout cas, on a amorcé une réflexion là-dessus, sur la fin du pétrole aussi. Au niveau global, qu'est-ce que ça veut dire, la fin du pétrole ? Si on a beaucoup moins d'énergie, ça veut dire beaucoup moins de capacité de travail. Comment on fera pour labourer tous les champs ? S'il y a un plein d'essence, c'est 4 ans de travail humain. Comment on fait ? Comment faire de l'agriculture ? S'il n'y a plus que 4% de la population active qui est dans l'agriculture, c'est pas assez en termes de travail, en termes de joules. Donc il va falloir se creuser au niveau global. Et peut-être, pourquoi pas, ce que Rob Hopkins appelle la grande requalification, aller retrouver les savoirs des anciens. Ça peut aller au Moyen-Âge, mais ça peut être juste entre les deux guerres ou à la Deuxième Guerre mondiale. Comment on faisait pour vivre en temps de pénurie ? Et ce n'est pas forcément l'idée d'un retour au passé, mais c'est de s'inspirer des bonnes idées tout en prenant en compte ce qu'on a fait depuis. Donc il y a beaucoup de progrès qui sont faits aujourd'hui, par exemple en agroécologie. Ce n'est pas du tout un retour en arrière. On est vraiment dans la recherche et l'innovation en agroécologie, et ça peut être de l'innovation en traction animale. En traction animale. Il y a aujourd'hui des équipes qui cherchent des nouvelles machines en traction animale, plus efficaces. Donc la grande requalification... Ça peut être aussi des questions beaucoup plus théoriques, comme la question des biens communs qui émergent depuis 2-3 ans. Il y a beaucoup de livres et d'articles là-dessus. Les biens communs, c'est quoi ? Et donc, ce troisième pôle entre, d'un côté, l'État et les biens publics, le marché et les biens privés. Et il n'y a pas que ces deux manières de voir ou de gérer les choses, en particulier les biens communs naturels. Il y a aussi les biens communs. Et donc, ça, c'est repris par la célèbre politologue Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, qui a bien ouvert la voie à la théorie des biens communs, en tout cas une nouvelle approche théorique et pratique absolument passionnante. Ça peut être aussi le retour au low-tech, aux basses technologies. Si je me souviens bien, vous avez invité Philippe Biwix. Il a écrit L'âge des low-tech dans la même collection que nous. Les low-tech, pourquoi? On n'aura pas d'énergie, assez d'énergie pour continuer ce monde high-tech. Et si on commençait dès maintenant à préparer le low-tech, ça veut dire quoi? Si Internet s'effondre, si tous les Wi-Fi, les téléphones portables et tout ça s'effondrent, comment on fera pour communiquer? Peut-être qu'il faut revenir à une radio, des CB, des choses de technologie beaucoup plus autonomes dans lesquelles on a plus de prise, on peut réparer, je ne sais pas, hein, je dis ça, c'est des pistes. Et donc il y a une vraie question globale sur les technologies. On a abordé la question de la résilience globale, on peut aussi aborder la résilience locale. Ça, c'est intéressant, c'est plus le domaine des villes en transition. Le côté local, ça sert surtout à retrouver une puissance d'agir. Parce que quand on se remet ensemble, à se parler entre personnes d'un même quartier, d'une même ville, à faire des, je sais pas, des potagers, une monnaie locale, etc., comme on voit dans le film Demain, on retrouve la joie du vivre ensemble, mais aussi la puissance, on peut dire le pouvoir. On retrouve du pouvoir en tant que citoyen, en tant qu'humain. Ça fait plaisir de voir que peut-être l'échelon municipal, il peut être accessible, il est encore à taille humaine, et on peut faire des choses. Et retrouver cette puissance d'agir, ça fait du bien. Et c'est d'autant plus important dans l'optique de la résilience qu'on a prise sur notre environnement. Quand on a des systèmes à trop grande échelle, on n'a plus accès aux leviers, aux pouvoirs, aux ficelles. On ne sait plus contrôler le niveau régional, le niveau étatique, le niveau national, le niveau européen. On n'a plus accès, on a une sorte de sentiment d'impuissance qui non seulement est toxique, mais ne nous permet pas de réagir. Vous souvenez-vous des fourmis? Quand il y a quelque chose qui arrive, il faut savoir vite réagir et s'auto-organiser. Eh bien, quand on n'a plus accès à ces ficelles, quand on ne sait pas comment sont prises les décisions, on ne peut plus réagir facilement. Et retrouver ces liens locaux, cette puissance d'agir, c'est aussi retrouver une capacité de s'auto-organiser et de répondre rapidement. Si il y a une pénurie de pétrole, une grande grève qui coupe l'approvisionnement en nourriture ou en pétrole, on peut s'organiser. Pendant la guerre, aux États-Unis, au Smith College, donc les grandes universités, se sont mis donc dans des programmes pour aider à l'effort de guerre des alliés. Eh bien, la population s'est mise à cultiver aux États-Unis. Ils ont fait des grands programmes de potager, en fait, dans les écoles, dans les universités, chez les gens. Et une grande partie de la population, de la production, pardon, de légumes aux États-Unis était faite par les potagers de l'effort de guerre. Les Victory Gardens, on appelait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, et les War Gardens pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est possible. Et là, c'est les grandes universités comme Harvard, Smith College, etc., qui s'y mettaient tous ensemble sur les prairies. On peut faire les choses aussi à grande échelle. L'agriculture urbaine, c'est un exemple qui est très fréquent. Donc il y a une explosion actuellement des initiatives, des expériences d'agriculture urbaine dans toutes les villes industrialisées, disons des pays riches. Ça explose et ça va revenir parce que ça apporte non seulement un peu d'aliments, mais ça apporte surtout deux choses. Le fait de se retrouver, de faire des choses ensemble autour de l'alimentation, et ça permet aussi de retrouver le lien entre l'assiette et la terre. Le lien à la terre pour les citadins qui sont déconnectés, c'est très important. Donc l'agriculture urbaine, ça nourrira pas les villes, mais ça sert à beaucoup de choses. En tout cas en termes de cohésion sociale. Et ça va revenir quoi qu'il arrive. Et dans les campagnes, vous avez vu dans le film Demain, il y a l'exemple de Charles et Perrine de la ferme du Bec-et-Loin en Normandie, où ils arrivent sur un dixième d'hectare à produire une quantité incroyable et à valoriser ça de manière assez exceptionnelle. Vous avez des beaux exemples comme ça, qui ne sont pas des modèles, encore une fois, c'est juste des exemples qui montrent que ça peut marcher, que ça peut réussir, qu'on peut faire des belles choses au niveau local. Et l'humain dans tout ça. Alors, dans notre livre, rapidement, on aborde la question, je vous avais dit, est-ce qu'on va tous s'entretuer? La question de la sociologie de l'effondrement et du Mad Max. Et on a découvert des travaux des psychologues et de sociologues assez époustouflants, assez imposants, qui montrent qu'en temps de catastrophe, eh bien, les comportements les plus fréquents, ce n'est pas la panique, la compétition ou l'agression, c'est plutôt contrairement à ce que montrent les médias. Les médias sont vraiment dans ce mythe, de ce storytelling de l'agressivité, de la panique et du chaos. Et contrairement à ce que laissent croire les médias, il y a toujours des comportements d'entraide. Voilà, en fait, j'ai cherché des scènes de panique, j'en ai pas trouvé, c'est des dessins que j'ai trouvés. C'est seulement les films de panique, c'est que dans les films hollywoodiens. J'ai même été voir les films du Heysel, je sais pas si vous vous souvenez, la catastrophe du Heysel à Bruxelles, le stade où tout le monde descend et s'écrase dans des mouvements de panique. En fait, j'ai vu les vidéos, il y a très peu de panique. Les gens, ils sont écrasés, mais ils paniquent pas, ils s'entraident, ils se relèvent, ils sont... Enfin, c'est assez impressionnant. Et non seulement ils sont calmes, et plus on est à l'épicentre de la catastrophe, plus il y a du calme, mais ils s'auto-organisent et ils s'entraident. Et ils s'entraident de manière extraordinaire et exceptionnelle. Et tous les témoignages convergent sur tous les rescapés, disent c'était incroyable. Alors encore une fois, ça vient contredire un mythe profondément ancré de notre société libérale, qui est le mythe de la nature agressive. Que dans la loi de la jungle, c'est juste l'agression, la loi du plus fort et la guerre de tous contre tous. Ça, c'est un mythe fondateur de notre société. Et puis la dernière résilience que je voulais aborder un petit peu pour finir avec vous, c'est la résilience intérieure. C'est-à-dire, les effondrements, ce n'est pas seulement les sociétés, c'est aussi les individus. Il y a des burn-out, des divorces, des morts, des décès dans votre famille. Il y a des effondrements personnels. Il y a des effondrements face aux nouvelles du monde. Et c'est très dur aussi de se maintenir là-dedans. Je peux vous en témoigner, se maintenir dans les mauvaises nouvelles pendant des années, c'est dur. Comment on fait pour tenir ? Alors personnellement, moi, la question nucléaire m'a toujours fait très très peur. Je me suis maintenu à l'écart de ça jusqu'il y a 2 ans. J'ai écrit un article là-dessus et c'était très très dur. C'est abominable. Donc maintenant, j'arrive un petit peu à ouvrir les yeux et c'est vraiment très dur. Face à toutes ces lectures, et il y a des articles abominables sur la biodiversité, hein, l'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose de dur. On est passé par de la tristesse, je dis on avec Raphaël, de la colère, beaucoup de choses, beaucoup de sentiments très divers et qu'on n'arrive pas à nommer, l'impuissance, la culpabilité. Et on a tendance souvent à mettre ça sous le tapis et à fermer les yeux et à dire non, mais c'est pas possible. Et la colère, par exemple, c'est un exemple, hein, est très tabou dans nos sociétés, c'est dur de l'exprimer. Et donc, on a remarqué que dans le public qu'on fréquentait, qui venait à nos conférences, il y avait beaucoup de ces émotions qui sortaient. Ça nous a permis de voir que nous aussi, on avait des émotions, et de les accepter, et de ne pas toujours les mettre sous le tapis. Et en fait, on est passé par des phases de désespoir, des phases d'impuissance, de sentiment d'impuissance, de profonde tristesse, d'anxiété, et on en a encore. Mais ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que toutes ces émotions peuvent être décrites dans les phases d'un deuil. C'est comme si on faisait un grand deuil personnel, mais aussi collectif. Et on a d'abord du déni, on passe par des phases de colère, de peur, de tristesse, on va vers l'acceptation. Vous connaissez les 5 phases du deuil de Kubler-Ross, un psychologue suisse. C'est très théorique, mais c'est vraiment intéressant de voir comment, finalement, nous, on est arrivés, enfin, Raphaël, on se sent pas mal dans l'acceptation de l'effondrement. Et ça peut choquer certaines personnes qui découvrent ça, qui découvrent toutes ces catastrophes. Comment vous êtes dans l'acceptation ? Mais il faut se battre, il faut faire quelque chose, il faut arriver à l'éviter, trouver des solutions. Et nous, on en est arrivé au stade où, non, on ne pourra pas l'éviter, là. On ne pourra pas éviter l'effondrement, il faut arriver à l'accepter. Et on a découvert que cette phase d'acceptation, pour ceux qui ont accompagné des mourants, qui sont proches de la mort, qui sont OK avec cette idée de la mort et de notre propre mort, eh bien, cette phase d'acceptation, elle est extrêmement fertile et enthousiasmante. La mort, c'est quand même assez tabou dans nos sociétés. On parle rarement de ça. Mais je pense qu'il y a une belle piste de recherche à creuser à ce niveau-là. En tout cas, être dans l'acceptation, ça je peux vous dire, ça n'empêche pas de revenir de temps en temps à des petits sursauts des autres émotions. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est de, quand une émotion arrive, c'est de l'accepter, de l'accueillir, et pas de la mettre sous le tapis. Parce que quand on la met sous le tapis, elle grandit, elle nous dépasse, elle nous submerge et elle nous revient dans la figure de manière très désagréable. Du coup, accueillir sa peur et s'écouter, parler. Si vous lisez le livre, si vous arrivez à finir, ne vous endormez pas dessus, parlez-en, échangez, écoutez les gens, écoutez les autres, écoutez les proches, ce qu'ils ont à dire, juste écoutez. En tout cas, sur la psychologie de l'effondrement et sur les émotions, on rejoint ce que beaucoup de collapsologues et de psychologues décrivent. En tout cas, faire un travail de deuil, retrouver du sens, ça fait du bien. Alors, j'ai pas le temps de détailler, mais il y a surtout l'idée de recréer du lien dans nos sociétés, c'est absolument indispensable. Du lien avec quoi ? Ben, du lien entre nous déjà, du lien avec nos émotions, mais entre nous, entre humains, du lien avec les autres qu'humains, les animaux, les plantes, les bactéries, tout le monde vivant. Et ça, c'est très difficile, nous qui avons été déconnectés. Moi, je suis un enfant hors sol, j'ai été élevé en ville. Pour l'instant, je fais un grand travail de reconnexion avec le monde vivant. C'est quoi le monde vivant ? C'est un grand travail qui fait du bien. Alors, ce n'est pas que théorique, je l'ai aussi vécu. Nous l'avons vécu, on est plusieurs à travailler là-dessus. C'est un peu le thème de nos prochains travaux en collapsologie. Retrouver du lien, ça redonne confiance, ça redonne un sentiment de confiance, un sentiment de sécurité, du fait que la nature, les autres êtres vivants ne sont pas forcément des ennemis ou séparés de nous, mais il y a une sorte d'interconnexion, d'interdépendance, qui se crée un sentiment d'interdépendance qui est extrêmement bénéfique, qui apporte joie, confiance, sécurité et qui nous permet d'accepter les mauvaises nouvelles et de naviguer dans ces catastrophes de manière beaucoup plus résiliente. Et c'est un des piliers de la résilience intérieure. Et aussi du lien avec ce qui nous dépasse. Et là, je vais lâcher un mot qui est bizarre, en tout cas en France, et pour moi qui suis scientifique et qui ai un passé athée, c'est le mot de sacré. Le sacré, c'est ce qui nous dépasse. Je n'ai pas dit religion, c'est sacré. Et retrouver un lien au sacré, et je ne suis pas le seul à le dire dans tous ceux qui travaillent sur l'effondrement, ça fait du bien. C'est très intéressant en tout cas. La quatrième résilience qu'on propose, c'est la résilience commune. C'est celle qui a fait un peu le bilan des autres. La résilience commune, c'est l'ensemble de toutes ces résiliences. C'est-à-dire que si on arrive à être résilient individuellement, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Parce que si tout le monde s'effondre autour de nous, bah, ça ne sert à rien. Si on arrive à rendre notre quartier, notre ville résiliente, c'est bien. Mais si toutes les villes autour s'effondrent, ça ne sert à rien. Il y a un réseau à tisser, il y a du réseau à tisser, il y a des liens à faire. Et il y a un côté, on est tous dans le même bateau. Voilà, c'est une sorte de posture ou de démarche, ce qu'on a appelé la résilience commune, qui fait aussi écho à tous des travaux en écologie sur la théorie des réseaux d'interaction. Donc il y a des écologues qui ont décrit les réseaux d'interaction mutualistes, d'entraide entre les espèces dans un écosystème. Ici, vous avez par exemple les réseaux d'interaction entre des oiseaux dans la forêt. Et en fait, si on prend les insectes, les bactéries, les plantes, les lichens, les fougères, toutes les espèces sont en interaction, le plus souvent mutualiste. Il y a de la compétition, mais souvent c'est bénéfique pour les deux. Dans un réseau absolument complexe, inimaginable, incommensurable, qui fait que tout se tient et ça devient résilient. Et la nature, la propriété du vivant, c'est de créer de la résilience et s'inspirer de ces principes du vivant, de comment la nature a fait depuis 3,8 milliards d'années d'expérience en durabilité, s'inspirer de ces principes du vivant, c'est extrêmement fertile. Et ce qu'on appelle le biomimétisme, un exemple tout bête, c'est dans une forêt, il y a une phase de croissance, puis la forêt atteint un climax, une phase de conservation, et à un moment, il y a une catastrophe, un feu par exemple, une phase d'effondrement, et puis la forêt repart. Il y a une réorganisation, recroissance, conservation, effondrement, etc. Ce qu'on appelle les cycles adaptatifs en écologie. Ça, c'est un principe du vivant. Tous les systèmes vivants, à un moment, meurent. La mort, c'est un principe du vivant. Il y a des organismes qui meurent, et c'est parce qu'ils meurent que d'autres vivent. Et donc, il y a une sorte de mort-renaissance. Je dis ça parce que le mot effondrement dans mes propos, dans ce livre ou dans le mouvement de la transition, il est forcément accolé à renaissance. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une renaissance, que ça sera positif, que ça sera forcément gagné d'avance, mais ça veut dire que c'est parce que le grand arbre industrialisé, on va dire, la civilisation s'effondre, c'est parce qu'il s'effondre dans la forêt que les jeunes pousses peuvent émerger. Je vous conseille vraiment ce livre sur le biomimétisme, les principes du vivant, par Gauthier Chapelle, qui est, disons, le troisième larron, avec Raphaël, avec qui on travaille sur la suite de la collapsologie. Et il a écrit un bouquin absolument merveilleux, avec cette toile de fond de l'effondrement, et comment les principes du vivant peuvent nous aider à réémerger, à faire émerger quelque chose de nouveau. Je termine juste sur ce clin d'œil. On m'a envoyé une photo il y a 2 mois d'un tag à l'université de Nanterre. Une autre fin du monde est possible. Mais je trouvais que c'est une magnifique fin, extrêmement positive et optimiste. Merci de votre attention. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1. Et on vient d'entendre Pablo Servigne qui, avec Raphaël Stevens, a écrit « Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations futures ». C'est paru aux éditions du Seuil en 2015. J'ai donc passé cette émission parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Néanmoins, il y a quand même j'aurais quelques petites réserves à exprimer sur ce que dit Pablo Servigne à propos de la résilience, cette notion qu'il utilise pour essayer de comprendre un peu ce qui serait possible de faire dans une situation d'effondrement. Peut-être un manque de dimension politique dans ce qu'il exposait. On pourrait se demander la résilience, pourquoi faire? D'autant plus que Pablo Servigne écrit dans la revue anarchiste Réfraction et que dans une autre revue plutôt social-démocrate qui s'appelle la revue du Crieur, c'est dans le numéro 5 d'octobre 2016, il a écrit un article Penser l'effondrement qui brosse un tableau assez étrange des différentes personnes s'occupant de la collapsologie. Et ce tableau a fait penser plutôt à une secte ou à une espèce de communauté de conspirationnistes qui sont très actifs sur Internet mais qui, à part ça, n'ont pas l'air de faire grand-chose d'autre. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses assez bizarres autour de cette idée de résilience et aussi de cette idée de collapsologie, de science de l'effondrement des sociétés. Il y a un certain nombre de choses qui sont très curieuses, qui mériteraient discussion. Mais bon, pour ma part, plutôt que d'essayer de penser l'effondrement avec comme horizon la résilience, c'est-à-dire en fait quelque chose qui ressemble furieusement à une invitation à l'adaptation ou à la soumission aux contraintes d'une survie en milieu hostile, eh bien, il me semble plus pertinent d'essayer de penser l'émancipation sociale et politique, émancipation de la société capitaliste et industrielle, c'est-à-dire en fait d'essayer de construire ici et maintenant d'autres formes de société moins fondées sur l'exploitation des ressources naturelles et sur la destruction de la nature, mais aussi et surtout moins fondée sur l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est un peu ce qui manque comme perspective à Pablo Servigne dans cette conférence qu'il a donnée en mai 2016. Sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.